C'est l'histoire de l'homme aux couilles noires qu'on était allé examiner 2 jours avant, et avec qui j'avais changé d'hôtel, on était allé au Splendide. Et là, il avait une fiancée, dont je tairai le nom, d'ailleurs, vous la connaissez. Alors, on avait pris une chambre à 2 lits, tu vois. Et alors, moi, je commençais à dormir. Et alors, lui, oui, c'était pendant les fêtes de Dax. Ah oui. Il avait la gueule rouge. Et alors, il rentre avec sa fiancée, il se couche, moi, je me tourne un peu façon discret, tout en gardant un œil sur la manœuvre. Oui. Côté court. Comme il aimait pas l'attraper missionnaire. Oui. Parce qu'il n'avait vraiment pas la tête. Il la mettait un peu sur le côté. Mmh. Cette jeune femme était couchée comme ça. Là. Et lui était derrière. Et là, il se soulevait un peu, je voyais sa tête au ras du dos de la moustache comme ça, crapaud. Et il dit à la fille, alors, tu me la manœuvres cette clé de 12 la moustache comme ça, crapaud.